Oh, que tu es adorable, adorable, adorable, adorable mystère, adorable mystère, qui est semblable à toi, et dans ta suprématie, tu as ouvert une saison d'élévation. Et tu as prévu ma part dedans. Tu as prévu la part de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur Dieu. Bénis ta parole ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. Je soumets toutes choses à l'obéissance à Christ. Ce matin, que tout te soit soumis. Et que la puissance de ta grâce se répande dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Viens, ô Dieu. Et participe avec nous dans cette réunion au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons poursuivre ce matin sur notre thème, mon serviteur s'élèvera. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. Et tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Mais Dieu des cieux est au rendez-vous. Il est venu pour toi particulièrement. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un célèbre Dieu. Parce qu'il est venu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous avons partagé sur le chapitre la volonté de Dieu pour ton élévation. Et nous avons vu ensemble par les Écritures que Dieu, dans toute son idée sur l'humanité, a créé l'homme comme un être élevé. La fondation de l'élévation est en toi. Les arts de l'élévation sont en toi. Et nous avons vu que ce Dieu, lorsqu'il décide de nous élever, il met en marche les mécanismes qui nous y amènent. Et nous avons vu trois facteurs qui manifeste la volonté de Dieu pour notre élévation. Le premier facteur étant nous créer à son image. Le deuxième facteur étant les missions ou cette mission qui nous ont été confiées. Dieu nous a confié des missions. Et nous avons vu que l'une des choses qui prouve ou qui manifeste notre élévation, c'est la mission qui nous est assignée. Si tu viens sur la terre, juste au hasard, sans rien faire, sans objectif, sans mission, ta vie va ramper comme un serpent. Tu ne monteras pas. Mais les missions qui nous sont assignées déterminent le degré de notre élévation. Lorsque tu as une petite mission, c'est que Dieu prévoit pour toi une petite élévation. Et les gens qui n'aiment pas travailler, les gens qui n'aiment pas les responsabilités sont des gens qui n'aiment pas l'élévation. Plus tu rejettes la responsabilité, plus tu rejettes ton élévation. Plus tu accèdes de grandes responsabilités, plus tu manifestes ta disponibilité à monter très haut. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et nous avons vu comme troisième facteur dans le socle de notre élévation, c'est la finalité de notre existence. C'est-à-dire l'éternité. Et ces trois facteurs, Dieu les a lancés dès le commencement. Dès le commencement de l'existence de l'homme. Pour nous montrer qu'il veut notre élévation. Dis à ton voisin, Dieu veut ton élévation depuis le commencement. Dis-le-lui. Aide-moi à prêcher. Dieu veut ton élévation depuis le commencement. C'est-à-dire que lorsque dans cette saison tu vas être élevé, c'est pas que Mungu ameshituka. C'est pas comme si Dieu s'étonne. Il se surprend un matin et dit, hey, je vais élever celui-ci. Non. Dans son idée. Dans son idée depuis le commencement, il a prévu ton élévation. Et il t'a fabriqué comme un être qui doit être élevé. Et il a mis en toi les arts de l'élévation. C'est sa volonté que tu sois élevé. Que je sois élevé. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons poursuivre sur un autre sous-thème, la double nature de l'élévation. L'élévation a double nature. Certaines personnes expérimentent l'élévation soit par la nature, la première ou la première facette de la nature de l'élévation, c'est la nature mystérieuse. La nature mystérieuse de l'élévation. Je vous ai toujours dit que Dieu est un Dieu de mystère. Notre Dieu est mystère. Et Dieu fonctionne en mystère. Si tu veux bien te comporter ou comprendre Dieu, il faut accepter cette réalité-là. Si tu veux jouir de Dieu, il faut reconnaître que c'est un Dieu mystère. Et c'est-à-dire, tout ne fonctionne pas de manière classique. Quelqu'un acclame les dieux mystères. Il est mystère. La deuxième facette, c'est la facette progression. Et ce matin, nous voulons nous attarder à la première facette. La facette mystère. C'est-à-dire la facette de l'élévation par un acte de Dieu. Un acte de Dieu. Dieu décide de t'élever. C'est parti. Dieu ne regarde pas certaines considérations. Il décide, je t'élève. Alléluia. Amen. Lisons quelques textes. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Samuel wa kwanza 2 mstari wa 8. Ésaïe chapitre 65 verset 1er. Isaïe 65 mstari wa kwanza. Matthieu 1 5. Matthieu 1 mstari wa 5. Et Josué 2 1 et suivant. Na Yosua 2 1 na. Nous ne lirons pas tous les textes. Hatutasoma maandiko yote. Mais prenons 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Lakini tuchukue kitabu cha Samuel wa kwanza 2 mstari wake wa 8. Il est écrit. Imeandikwa. Lisons ensemble. Tusome pamoja. 1 2 3. Moja mbili tatu. De la poussière, mavumbini, il retire le pauvre. Anamondoa du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. De la poussière, il élève. De la fumée, il retire. Mavumbini, kutoka ya lala, anaondoa. Qui te dit de prendre celui-là de la poussière? Nana nakuambia muondoe huyu ndani ya mavumbi. Personne. Hakuna. C'est par un acte de Dieu. Ni kupitia tendo la Mungu. Combien je prie ce matin? Na marangapi naomba que par un acte de Dieu, kupitia tendo la Mungu, la situation de quelqu'un change. Hali ya mtu ibadilike. Par un acte de Dieu, les misères dans lesquelles tu as évolué pendant longtemps connaissent leur fin. Par un acte de Dieu, c'est à quoi tu as soupiré depuis des années. Ce matin, vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Et que les grâces qui sont en Jésus-Christ se déploient pour t'y faire arriver par les dieux mystères. Et la poussière, il élève quelqu'un. De la poussière, il élève quelqu'un. Par un acte de Dieu. Vous savez, cette nature de l'élévation navigue dans le terrain de la grâce. Le terrain de la grâce. Dieu opère par ses mystères dans le terrain de sa grâce. Il n'a besoin du conseil de personne. Il décide par un acte divin. Et c'est parti. Alléluia. Amen. De même qu'il a décidé que 2021 soit l'année de mes élévations multiples, personne ne le lui a conseillé. Il y a donc grâce pour nous y amener. Ta grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. En fait, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mon esquilise est à Fazal. Lorsque tu penses que c'est fini pour toi, lorsque tu penses que c'est désespéré, l'avantage que tu as, c'est que Dieu n'est pas fini. Lorsque tu sens que ceux qui pouvaient t'aider ne sont plus là, le papa qui était ton pilier, les grands-pères, l'oncle, le cousin qui te supportait, il est mort. On a fini les enterrements. Il n'est plus là. Dieu est encore là. Donc ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Haijakwisha. C'est cool, le voisin dit lui, c'est pas fini. Tikisa jirani mwambie haijakwisha. Ce n'est pas fini. Mtikisa mwambie haijakwisha. Quand tout le monde peut finir. Wakati mtu yeyote anaweza kuisha. Le Dieu éternel. Mungu ambaye ni wa milele. Celui qu'on appelle je suis. Wanayemwita niko. C'est-à-dire je suis là au présent. Niko hapa kwa wakati hier, wa sasa. Hier c'était le présent. Jana ilikuwa aujourd'hui wakati c'est wa sasa. Le présent. Leo ni wakati demain wa sasa. C'est le présent. Na kesho ni wakati je wa sasa. Suis là. Niko je hapo. Suis. Niko. Quand tout finit pour toi. Wakati yote naweza celui qu'on appelle je suis celui qui suis. Il est encore là. Donc c'est encore possible que mystère arrive. Fike. Dieu opère aussi dans cette nature de l'élévation mystère. Combien j'aime cette approche divine. Or c'est cette approche divine de l'élévation mystère dont nous avons parlé dimanche. Genèse chapitre 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Qui t'a dit de le faire? Je viens de le décider. J'ai fini de créer les montagnes. J'ai arrangé toutes choses. J'ai séparé les eaux des eaux. J'ai mis au Congo les minéraux. J'ai mis au Congo la grande forêt. J'ai mis au Congo les grands fleuves. Et je dépose un homme. Je dépose une femme au Congo. Congo. Il s'appellera Congolais. Hein? Il s'appellera Congolais. Au commencement, Mwanzoni, Dieu décide Mungu anamua, de créer l'homme à son image, de donner des missions à l'homme ampatie et de fixer l'éternité pour l'homme. C'est dans sa nature mystère de l'élévation. Yake, et donc, mon frère et ma soeur, yangu, yangu, tout être humain est un trophée anakuwa kombe de l'élévation mystère. Ya kuinuliwa ya siri. Et comme l'élévation est multiple, nous avons connu la première expérience de l'élévation par notre création. Et Dieu prévoit d'autres multiples élévations qui viennent dans notre parcours et nous les expérimentons et nous nous étonnons de qu'est-ce qui nous arrive. Nous nous étonnons, nous nous surprenons en train de vivre des choses, en train d'expérimenter des choses et nous nous disons qui pouvait savoir que je serai lancé. Ya kwamba nitakuwa mrefu. Qui pouvait savoir? Nani angepaswa kujua? Que je serai court. Ya kwamba nitakuwa mfupi. Parce qu'il y a quelqu'un. Sababu kuna mtu. Qui veut ma taille? Ambaye anahitaji hiyo kimo yangu. Qui est prévu pour ma taille? Ambaye ametayarishwa kwa ajili ya kimo yangu. Dans la facette mystère de Dieu. Ndani ya uso siri ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas de ce que tu es. Usifadhaike kwa ajili ya ile uliye. Physiquement. Sababu ya mwili. C'est un acte de Dieu. Ni tendo la Mungu. Et comme Dieu est suffisamment réfléchi, Mungu anakuwa mwenye mafikiri yote. Dieu est suffisamment prévenant Mungu et prévoyant. Mtu ambaye anatayarisha mambo yote. Ce que tu es il ambaye uko est destiné à quelqu'un. Inakuwa inandaliwa kwa ajili ya mtu. Certains se détestent mmoja wanajichukia et ils pensent na wanafikiri que Dieu les a mal créés. Kwamba Mungu amewaumba vibaya. Ce que tu es il ambaye uko c'est un acte de Dieu. Ni tendo la Mungu. Et il y a des provisions na kuna afférentes ambazo zinambatana si tu n'étais pas ce que tu es. Kama uchui il ambaye uko ta destinée irait ailleurs. Maisha yako ingeenda pembeni. Ton voyage allait partir quelque part. Safari yako ingeendele nafasi ingine. Mais Dieu, lakini Mungu, dans sa nature, ndani asili yake, mystère, ya asili, a décidé que tu sois ce que tu es. Ameamua ukue ila ambaye uko. Amina. Et David dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Nakusifu sababu mimi ni kiumbe kizuri. La facette, la nature mystère de notre élévation. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 1er, il est écrit, J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient pas, qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Il est écrit, il est venu pour les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et il a viré chez les païens. C'est pour ça qu'il est assis dans cette salle, sur cette chaise, en écoutant ce message. Parce qu'un jour, par un acte de décision divine, Dieu a décidé d'aller vers les gentils. Et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 48, versets 6 à 11, vous pourrez tout lire. Ndani ya kitabu cha Isaya 48, mstari wake wa 6 hadi 11, mnaweza soma. Ésaïe 48, 6 à 11. Isaya 48, mstari wake wa 6 hadi 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est écrit, pour l'amour de moi, imeandikwa kwa ajili ya upendo wangu, je veux agir. Nitatenda. Dieu, Mungu, tu t'aimes. Unachipenda. À cause de ce fait que tu t'aimes, sababu unajipenda, tu vas agir pour un homme. Utatenda kwa ajili ya mwanadamu. Pour l'amour de moi, kwa ajili ya upendo wangu, je vais agir. Nitatenda. Il ne dit pas pour l'amour de toi, haisemi kwa ajili ya upendo, mais pour l'amour de moi. Lakini kwa ajili ya upendo wangu. Dieu, Mungu, je m'aime. Unajipenda. Et pour l'amour de moi, kwa ajili ya upendo wangu, je vais agir pour quelqu'un. Nitatenda kwa ajili ya mtu mmoja. C'est la nature mystère. Hii inakuwa ni uso wa siri ya Mungu. Alléluia. Amen. À cause de mon nom, sababu ya jina langu, je suscite pas ma colère. Ninasimamisha kasirani. De ma gloire, je me contiens envers toi. C'est pour l'amour de moi. Et il répète, pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À cause de moi-même, je veux agir. Nous avons besoin de ce genre de visitation divine. Tunahitaji kutembelewa na Mungu ya namna hii. Quand il arrive, anapofika, que nous avons prié, tumeomba, nous avons donné des offrandes, tumepanda sadaka, nous avons couru, tumekimbia, nous sommes allés dans les montagnes, tumeenda milima, nous sommes descendus dans les vallées, tumeshuka mabonde, on est allé prier dans une grotte, tumeomba ndani ya majiwe, et rien ne bouge. Hakuna kinachotikisika. On peut recourir sur l'autre facette. Tunaweza kimbilia uso mwingine. De Dieu. Wa Mungu. Où il dit. Ambapo anasema. À cause de mon nom. Kwa ajili ya jina langu. Je décide d'agir. Ninaamua kutenda. Tu ne mérites rien. Haustahili chochote. Tout ce que tu as fait. Yote uliyoifanya. Je ne l'ai pas vu. Sikuiona. Peut-être tu ne l'as pas bien fait. Sasa moja hukuifanya vizuri. Peut-être tu n'en étais pas digne. Sasa moja ulikuwa hustahili. Mais pour l'amour de moi, lakini kwa ajili ya upendo je décide d'agir. Naamua kutenda. Alléluia. Amen. Pour l'amour de lui-même, kwa ajili ya upendo yake, que Dieu décide d'agir dans ta Mungu vie. Que Dieu vienne dans ta vie. Acha Mungu aje maishani mwako. Qu'à partir de ce matin, dans cette leo, saison d'élévation, quelque chose commence kitu kianze avec toi pamoja na wewe de la part de Yahweh. Kwa niaba ya Yahweh. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 1:5, il est écrit, Jérémie avant que tu fusses conçu dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Qui t'a dit, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'étais dans le ventre? Qu'est-ce que le bébé a négocié avec Dieu? Qu'est-ce que le fœtus a fait? Qu'est-ce que la zygote, qu'est-ce que cette cellule a discuté avec Dieu? Il dit, avant que tu fusses conçu dans ma nature, mystère, dans la facette élévation, mystère, Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai établi. Mais quel établissement, prophète des nations, pas prophète du quartier, pas prophète de la famille, pas prophète de l'église Arche, prophète des nations. Jérémie, tu vas parler des choses qui vont avoir un impact sur les nations. Qui a décidé? Je n'y étais pas. Je n'étais même pas encore conçu. kuwa hata ndani ya tumbo ya mama yangu. Mais Yahweh en a décidé. Lakini Yahweh kaamua. Mon frère et ma sœur. Ndugu yangu, dada yangu. Quelque chose a été décidé. Kuna kitu kimeamuliwa kwa ajili yako. Et s'il l'a pas fait avant. Na kama kuifanya mbele. Il va le faire cette année. Ataifanya mwaka huu. Quelqu'un va expérimenter. Kuna mtu ataishi. Un mystère. Ataishi siri. Cette année. Mwaka huu. Parce que pour l'amour de lui-même. Sababu kwa chini ya upendo wake yeye mwenyewe Mungu anasema nitaifanya. Je vais le faire. Nitaifanya. Hallelujah. Amen. Et dans Psaume 75, versets 7 à 8. Ndani ya Zaburi 75 mstari wa 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Maana kuinuliwa itoke mashariki, magharibi, ama tangao. Mais Dieu. Lakini et Mungu, celui qui juge. Yeye ndiye anayeamua. Autrement Dieu juge qui il veut élever et qui il veut laisser. Mungu anaamua nani anahitaji. C'est Dieu qui décide. Ni Mungu ndiye anaamua. C'est Dieu qui décide. Mungu ndiye anaamua. De ton avenir. Juya uchao wako. C'est Dieu qui décide. Mungu ndiye anaamua. De ton élévation. Juya kuinuliwa kwako. Dans cette facette. Ndani ya uso huo. Mystère. Wasiri. Dieu. Mungu décide de le faire. Anaamua kuifanya. Pour l'amour de lui-même. Kwa ajili ya upendo wake yeye mwenyewe. Ce message te concerne? Ujumbe huu unakuhusu? Ça te concerne? Inakuhusu? Si tu es fatigué. Kama umechoka. Quelqu'un m'a dit. Kuna mtu aliniambia. J'ai déjà fait toutes les formes de prières. Nimeshafanya aina yote ya maombi. D'accord. Sawa. Dit à Dieu. Ambia Mungu. Je t'adore. Nakuabudu. Parce que l'autre facette. Sababu sio mwingine. D'exaucement. Wa kujibu. Est encore là. Ngali hapo. J'ai voulu obtenir exaucement, j'ai voulu obtenir élévation, j'ai voulu atteindre un seuil. En exerçant ma responsabilité, on va en parler prochainement. Mais Seigneur, je suis fatigué. Mais je te loue. Parce que l'autre facette est encore là. L'autre nature de l'élévation est encore. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Regardons deux ou trois cas. J'ai parlé du premier cas, c'est l'élévation de l'homme, être humain, Adam, depuis le jardin d'Éden. Nous en avons longuement parlé dimanche passé. Mais regardons le cas d'Abraham. Le choix d'Abraham. Dans Genèse 12, chapitre 12, verset 1er et suivant. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Seigneur, nous sommes nombreux en Ur de Chaldée. Pourquoi tu es venu seulement chez moi? Je crois la réponse de Dieu, c'est je suis venu dans cette nature mystère. Pourquoi tu n'as pas choisi le voisin? Pourquoi tu m'as choisi moi? Dieu dit, pour aujourd'hui, c'est dans ma nature mystère. C'est un acte de Dieu que je décide Abraham. Abraham, de te prendre. Lève-toi, Abraham. Mais pourquoi tu veux me bousculer? Je suis stable ici. Dieu dit Abraham, j'ai mieux que pour toi que ça. Mon frère et ma soeur, nous avons parlé de l'élévation. Le temps était fini l'autre fois avant que je n'aie abordé l'aspect suivant. Lorsque Dieu dit, il relève la poussière ce qui est abaissé. Et le fait asseoir avec les notables du pays. Nous lisons cela de manière littérale. Mais j'aimerais te dire que Dieu élève aussi des personnes qui sont clouées dans une élévation stagnante. Ndani ya kuinuliwa ambayo inabaki fasi moja. Dans une élévation fauchée. Ndani ya kuinuliwa ambayo imeharibika. Dans une élévation abîmée. Ndani ya kuinuliwa ambayo imeharibika. Beaucoup d'entre nous wengi kati yetu ont été élevés. Wameinuliwa. Mais ça fait 20 ans. Lakini ni muda wa miaka 20. À ce niveau-là. Uko tu pale kwa ile ile ngazi. Ça fait 30 ans que tu n'es qu'à ce niveau-là. Tu as été élevé. Les dieux dont nous parlons élèvent non pas seulement de la poussière, élèvent non pas seulement du niveau le plus bas, mais il élève aussi à partir d'un certain niveau. Il peut te prendre la poussière, mais il peut te prendre de ton élévation actuelle pour t'amener dans une élévation plus grande, pour t'élever, t'amener dans une élévation plus grande, pour t'amener dans une élévation plus grande. Il élève les yeux dont nous parlons par un acte divin. Alléluia. Et beaucoup de gens sont malheureux dans leur élévation parce que leur élévation a perdu la vie. Tu es élevé, mais tu n'es même plus content de ton élévation. En fait, ton élévation est renfermée, jonchée de misère. Tu as été élevé, ça fait 5 ans. Mais c'est fini. Au début, c'était agréable. Mais après, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu n'as pas mieux pour moi? C'est pourquoi nous parlons d'élévation multiple. Dieu n'est pas fatigué de t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir accédé ou atteint à cet seuil financier. Et tu as constaté que tu n'es plus monté plus loin que ça. Tu as atteint 1 million. Et puis tu navigues dans millions. Tu n'arrives pas à atteindre 2 millions. Il élève non pas seulement de la poussière. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de tomber en faillite pour revenir dans les néants ou dans la poussière ou sur la natte, comme dans le concept courant dans notre milieu. Oh non, il est rentré à la natte. Tu n'as pas besoin de retourner à zéro pour que ce verset te concerne. Comme j'étais déjà élevé, donc Dieu n'élève que ceux qui sont dans la poussière. Dieu n'élève que ceux qui sont dans le fumier. Non, l'élévation de Dieu est multiple. Il peut te prendre là en bas. Il peut te prendre du millier. Il peut te prendre du sommet pour t'amener dans des plus hauts sommets. Les sommets de Dieu sont illimités. Malheureusement, les êtres humains sombres dans les élévations qu'ils ont atteintes. Et ils commencent à lutter pour conserver les niveaux où ils sont arrivés. C'est vrai, il faut conserver. Mais mon frère et ma soeur, ne t'imagine pas que Dieu est fini ou que Dieu est fatigué ou que Dieu est dépourvu maintenant du fait qu'il t'a amené jusqu'à un certain seuil. N'imagine pas que c'est fini. De la part de l'Éternel, il a encore un degré d'élévation où il voudrait t'amener. Sois simplement disponible, sois disposé. Les élévations de Dieu ne finissent pas. Nous offrons à Dieu entre-temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es à quel niveau d'élévation? Est-ce que c'est fini? Dieu n'a plus rien pour toi. Ce matin, je déclare que le Dieu que nous prions, le Dieu de l'Alliance, va t'offrir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouvel acte divin pour ton élévation. Dis amen si tu crois. Mais vous savez, mes frères, tout dépend de ton récepteur, de ta capacité de réception. Si tu n'y crois pas, ça ne viendra pas vers toi. En fait, les grâces de Dieu, on dirait, coulent vers les endroits où les là où il y a la foi. Mais comme vile na tiririkia na fasi ambapo kuna imani. Les mystères de Dieu, siri za Mungu, sont en quête de la foi. Zinatafuta imani. Quand ils rencontrent la foi, zinapokutana imani, le choc se produit. Hapo kuna kwa kugusana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Abraham, Abraham, au verset 2 et 3, kwenye shayili la pili na la tatu, regardez, tazama, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. 4, tu seras source de bénédiction. 6, je bénirai ceux qui te béniront. 7, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez ça? Cette affirmation qui prouve le niveau d'engagement de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu fait cette affirmation pour montrer sa volonté de t'élever, pour montrer son engagement lorsqu'il décide de t'élever. Cette affirmation qui constitue le contenu du mystère de l'élévation par Yahweh. Cette affirmation, troisièmement, qui constitue tout ce que l'homme attendrait de l'Éternel. As-tu attendu quelque chose de Dieu? En voici le répertoire dans l'élévation d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Abraham c'est notre père. Alléluia. Dans Galates 3, 7, 8 et 29, il est écrit que Abraham est notre père. Donc les promesses adressées à Abraham, nous les héritons. Les sept affirmations contiendront l'élévation que Dieu va te donner. Lorsque Dieu t'élève, il t'amène dans la sphère de rendre ton nom grand. Lorsque Dieu t'élève, il t'amène dans la sphère de la bénédiction. Lorsque Dieu t'élève, il t'amène dans la sphère de faire de toi une grande nation. Quand Dieu éleva Adam comme regardez Adam. Tazama. Il est seul sur la terre. Adamu ni mwenyewe dunia. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Dites-moi. Les richesses qui sont dans toute la terre, les globes là, appartiennent à qui? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été milliardaire comme Adam? Tout était à lui. Et Dieu dit, j'ai mis le fleuve qui se divise à quatre bras. Et dans tel bras, il y a tel minerai. Dans tel autre, il y a tel minerai. Ah bon? Et ces minéraux sont acquis. C'est pour Adam. Milliardaire. Infiniment milliardaire. C'est quand nous sommes devenus nombreux sur la terre. On doit se partager toutes ces richesses-là, mouké mouké. Mais au commencement, ça appartient à Adam. Regarde Adam. Tu es tellement élevé, Adam. Au plan multiple. Adam, c'est toi qui parles avec Dieu. Élévation spirituelle. Adam, toute la terre est à toi. C'est toi, c'est pour toi. Élévation. Mon frère, dans ton élévation, il y a les traces que Dieu révèle à Abraham, mais Abraham, qui ont commencé depuis le commencement avec Adam. Et donc, si nous sommes attentifs et que nous ouvrons nos oreilles et nos yeux spirituels, chaque fois que Dieu nous a élevés à un certain degré, nous pouvons repérer les affirmations de Dieu, les mystères de Dieu, les actes de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ici? Abraham. Qui l'acclame le Seigneur? Un fils d'Abraham. Abraham. Un fils du milliardaire. Wa un fils du milliardaire acclame wa le Seigneur. Tu n'as pas raison d'être pauvre. Et puis, tout ce que Dieu a donné à notre Abraham, ce n'est pas épuisé. Les richesses remises à Abraham, à Adam, notre premier père, ne sont pas épuisées. Tout le monde peut en bénéficier. Nous sommes de la famille d'Adam. Nous pouvons partager l'héritage. Malheureusement, avec le temps, les êtres humains ont viré chez le diable. Et une nouvelle donne est arrivée. Satan commençait à s'appeler le prince de ce monde. En fait, Satan était jaloux que Adam, que à Adam soit remis tout ça. Il fallait que Satan casse la relation. Il a cassé la chose. Et nous sommes devenus bizarres. L'être humain est devenu bizarre. De sorte que les richesses ont commencé à nous échapper. Et même déjà dans l'acte de Dieu, dans le jardin d'Eden, Dieu dit, on va les chasser du jardin. On va mettre les chérubins avec l'épée flamboyante. Mais Jésus est arrivé là encore par un acte de Dieu. Qui avait prié que le Père envoie son Fils pour sauver l'humanité par un acte de Dieu après la chute. Dieu dit dans Genèse 3:15, ta descendance écrasera la tête du serpent. Mystère. Siri. Adam, as-tu fait cette prière? Adam, non. Non. C'est un acte mystérieux de Dieu. Nous venons de pécher. Nous sommes coupables. Et dans notre culpabilité, un acte de Dieu arrive. Ta descendance écrasera la tête du serpent. Merci Seigneur pour cette nature de l'élévation. Quand vous regardez Saul de Tars, dans Actes chapitre 9 et suivant, c'est cet homme qui a en mission pour arrêter les enfants de Dieu, pour détruire, pour tuer, il venait de tuer Étienne. Subitement sur la route, Dieu fait un choix de l'arrêter pour le sauver. Et il est foudroyé par la gloire de Dieu. Na Jésus le foudroie par sa gloire. Yes, et voici, il lui dit, il te sera difficile de régimper les aiguillons. Heureusement pour Saul, il a une bonne réponse. Que veux-tu que je fasse? Certaines fois, tu seras visité par ces mystères. Maro tatembelewa na siri hii. Et dans un certain degré, ndani ya kiwango fulani, Dieu aura besoin de ta réponse. Mungu atakuwa anahitaji jibu lako. Les hommes et les êtres humains compliqués, watu wanadamu ambao ni wa hatari, ont reçu la grâce. Wamepokea neema. Ont reçu ces mystères. Wamepokea siri hii. Mais avec des cœurs compliqués, lakini pamoja na mioyo migumu, ils ont raté ça. Wameikosa. Esaü. Isaya. Esaü. Esaü. Esaü. Obtient la grâce d'être le premier né. Anapata neema ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Isaac. Wa Isaka. Il se bat dans le sein maternel avec son petit frère, avec son frère. Wanapigana ndani ya tumbo ya mamake pamoja na ndugu yake. Dans le sein maternel. Ndani ya tumbo. Et puis ils sortent. Na kisha wanatoka. Esaü. Esaü. A la grâce. Ana neema. De sortir comme le premier-né. Ya kutoka kama mzaliwa wa kwanza. C'est-à-dire l'héritier. Ni kusema mrithi. Par un acte divin. Kupitia tendo la Mungu. C'est-à-dire ni kusema, l'héritage d'Abraham, urithi wa Abraham, l'héritage d'Isaac. Urithi wa Isaka. C'est à toi, Esaü. Ni kwa ajili yako Esau. Par un acte mystérieux de Dieu. Kupitia tendo la siri la Mungu. Mais Esaü ne comprend pas. Lakini Esau haelewi. Il foule aux pieds. Anakanyaga kwa mais grâce. Neema. Écoutez sa réponse à Jacob. Sikiliza jibu lake kwa Yakobo. À quoi me sert le droit d'aînesse? Hii haki ya mzaliwa wa kwanza unanifalia nini? Malheureux quoi. Ole. À quoi ça me sert? Inanifalia nini? Je vais mourir. Nitakufa. Qui t'a dit que tu vas mourir? Nani amekwambia kwamba utakufa? Où chez maman? Sukimbilie elle kwa peut te donner à manger. Anaweza kupa chakula. On ne vit pas en ville. Hatuishi mjini. Va même dans la brousse. Ni kusema unaweza kaye quelques fruits. Na unatua matunda. Esaü, tu es paresseux. Esaü, wewe ni mvivu. Donne-moi de ton lentille. Unipatie kwenye hiyo mchuzi yako. Ou je meurs. Ama nitakufa. Jacob attrape. Na Yakobo anashika. Urithi. Et il saisit l'opportunité. Na anashika fursa. Il dit OK. Nasema sawa. On fait le marché. Tunafanya biashara sasa. Tu me donnes le droit d'aînesse. Na nipa haki ya mzaliwa wa kwanza. Je te donne la nourriture. Nami ninakupa chakula. La misère intérieure dont je parle souvent. Mateso ya ndani ambayo nazungumzia kila mara. Fonctionne de cette manière là. Inatumika namna hivyo. Où tu es devant l'opportunité. Mais les misères intérieures qui sont dans ton cœur. Lakini mateso ndani yaliyomoni mwako. Te font louper. Yanaacha kwamba ukose. Dieu a libéré la grâce infinie. Mungu ameachilia neema hiyo. Dieu vient de t'offrir ce mystère, cet acte de Dieu. Mungu amekupa hiyo siri, hiyo tendo la Mungu. Mais à cause de ta misère intérieure. Lakini sababu ya mateso yako tu loupes l'occasion. Unapoteza hiyo fursa. Que Dieu nous aide. Acha Mungu atusaidie. Je prie que personne ne loupe sa grâce cette année. Pasiwe mtu ambaye atakosa neema. Personne ici ne le loupe. Pasiwe mtu atakayekosa. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Mais Saul, pasiwe mtu comprend et il attrape la grâce. Saul anaelewa na anashika neema na naokolewa. Et il est sauvé. Na naokolewa. Hallelujah. Amen. Que dire? Tuseme nini? De Rahab. La prostituée. Rahabu kahaba. Nous en avons parlé le dimanche. Tumemzungumzia Jumapili. Josué chapitre 2 verset 1 et suivant. Yoshua 2 mstari wa kwanza na kuendelea. J'aime ce qui est repris par par Matthieu. Napende na yurudiliwa na Mathayo. Dans Matthieu chapitre 1 verset 5. Ndani ya Mathayo sura 1 mstari wake wa 5. Regardez ça avec moi. Tazama hii pamoja nami. Hallelujah. Amen. Il est écrit. Imeandikwa. À partir du verset 3, Judas engendra de Tamar, Yuda kamza kutoka Tamari, Phares, Pharesi, et Zara. Nazara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Na Esrom wakamza Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Aminadab akamza Naasson. Naasson engendra Salmon. Naasson ikamza Salimoni. Pas Salomon, Salmon. Salimoni. Point virgule. Nukta namkato. Salmon engendra Boaz de Rahab. Na Salimoni kamza Boazi wa Rahabu, kutokea Rahabu. Ye Rahab. Janel Rahabu. Professionnel de sexe. Alikuwa kazi yake ni ukahaba. La prostituée. Kahaba. Mais par un acte de Dieu. Lakini kupitia tendo la Mungu. Un mystère de Dieu. Siri ya Mungu. Les deux messieurs. Wale wabwana wawili. Ne sont pas allés chez une autre prostituée. Hawakwenda kwa kahaba mwingine. Je ne sais pas si on leur avait donné un nom de prostituée, vous allez dormir chez elle. Je ne sais pas si ce sont renseignés en mi-chemin ou en entrant en Jéricho. Mais voici, ils sont chez Rahab. Wamefika kwa Rahabu. La prostituée. Rahabu kahaba. Sous l'ombre des ténèbres. Akiwa chini ya kivuli cha giza. Vivant les misères intérieures des prostituées. Akisi mateso ndani ya ukahaba. Rahab. Rahabu. Le mystère est venu chez toi, Rahab. Siri imekuja kwako, Rahabu. Et voici. Natazama. Rahab. Rahabu. Salmon engendra Boaz. Salimoni kamza Boazi. De Rahab. Kutokea Rahab. Regardez la suite. Tazame inayofuata. Boaz engendra Oded. Na Boaz akamza Odedi. De Ruth. Kutokea Ruta. Ruth aussi. Ruta naye. Cette Moabite. Huyu mwanamke Moabu. Qui a dit ambaye amesema à la belle-mère. Akamwambia mama mkwe. Là où tu mourras, je mourrai. Mahali utakufia nitakufia hapo. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ainsi de suite. Na kazalika. Ruth. Ruta. Et Ruth est rachetée par Boaz. Na Ruta anakombolewa na Boazi. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Sikiliza ndugu na dada. Dans cette affaire de mariage. Hii kitu ya ndoa hii. Dieu opère beaucoup par cette nature Mungu mystérieuse. Sana kupitia hii uso wa siri. Qui pouvait savoir jua que je serai le mari de Rosette? Ya kwamba mchungaji atakuwa mume wa Rosette. Hey. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vous pouvez bien expliquer. Mnaweza kufasiria vizuri. C'était mon voisin, on était dans le même quartier, tout ça là. Ndani ya kata moja hiyo. Pourquoi cet autre garçon ne l'a pas pris avant toi? Sababu gani ule kijana mwingine akumtoa? Pourquoi cette femme est restée réservée à toi? Sababu gani ule binti amebaki anajichunga kwa. Il est même arrivé que tu es allé dans des erreurs. Ilifika kwanza unaingia ndani ya makosa. Et puis finalement, te voici. Nakisa kwa mwisho wewe huyo. Par un acte de Dieu. Kupitia tendo la Mungu. Et puis voilà. Nakisa tazama. Tu as fondé une famille. Ukatengeneza jamaa. Alléluia. Amen. Quelque peut acclamer le mystère. Kuna mtu anaweza shangilia siri ya Mungu. Seigneur, merci pour tes mystères. Asante Bwana kwa ajili ya siri zako. Merci pour tes mystères. Asante kwa ajili ya siri zako. Par le mystère de Dieu. Kupitia siri za Mungu. Tu es né homme. Umezaliwa mwanaume. Les hommes, vous êtes là. Wanaume mko hapo. Les hommes piliers. Wanaume ambao ni nguzo. Je peux entendre la main des hommes piliers. Je, kuna mtu anashangilia wanaume nguzo. Qui t'a dit de naître homme? Nani alikwambia uzaliwa mwanaume? Quel privilège. Heshima gani. Les deux morceaux dans les assiettes. Minofu mbili ndani ya sahani. Kwa ajili ya baba wa nyumba. Qui a dit que tu dors devant dans les lits? Nani ambaye amesema kwamba wewe ndio utalalaka mbele kwenye kitanda? Les hommes piliers, vous êtes là? Wanaume nguzo mko hapo? Les mamans n'acclamez pas, ce sont les hommes qui vont acclamer maintenant. Les hommes piliers acclamez. Mama msishangilie, wa baba nguzo msishangilie. C'est un acte de Dieu. Ni tendo la Mungu. Alléluia. Amen. Mais quel privilège d'être créé femme. Lakini, regarde ces beautés à côté de toi. Est-ce que vous avez vu ces beautés là? Regardez les hommes piliers. Vous voyez, vous me regardez. J'ai dit regardez à côté. Si David a dit je te loue parce que je suis une créature merveilleuse, je crois que Ève devrait mieux dire ça. Je veux dire la femme, créature merveilleuse. Elle porte le bébé pendant 9 mois. Qui a décidé que toi tu serais femme pour participer à porter le bébé? Tu es une usine. Les installations ont été fixées et terminées. Mise à place terminée. Vous commencez à porter les êtres humains dans ton sein. Et ce qui est terrible, tu portes et les hommes et les femmes. Alléluia. Amen. Qui a décidé ça? Un acte de Dieu. Levons-nous, on va prier. La nature mystère de l'élévation. Dieu est au point d'élever quelqu'un dans cette approche mystère. Levons nos mains devant Dieu. Commence à prier, à bénir Dieu, parce que tu as compris que ceci existe. Si les autres approchent n'ont pas marché pour toi, il y a encore une chance, parce que Dieu va venir à toi par la nature mystère de son élévation. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ah Seigneur, merci pour le mystère. Merci parce que tes mystères ne sont pas épuisés. Merci parce que tes mystères ne sont pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Tes bontés se renouvellent. Tes choix se renouvellent. Tu décides pour quelqu'un. Il était bloqué. Il est dans un goulot d'étranglement. Il ne sait plus quoi penser. Il ne sait plus quoi considérer, où regarder, quoi espérer, où aller. Mais tu viens vers lui par un mystère ce matin. Oh Dieu de grâce, viens par tes mystères. Dieu de grâce, viens par tes mystères. Dieu de grâce, quelqu'un est fatigué dans cette salle. Quelqu'un est fatigué dans cette assemblée. Viens à lui par la grâce. Viens à lui par le mystère. Qu'un acte divin soit décidé. Qu'un acte divin soit décidé ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette situation a perduré. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Le mari est parti. L'épouse est partie. Oh Dieu de grâce. Viens même par le mystère. Viens même par un acte divin. Ne tiens pas compte de ses erreurs. Ne tiens pas compte de ses fautes. Viens, oh Dieu, par ton mystère. Qu'un acte divin soit déclenché ce matin dans la vie de quelqu'un. Oh Dieu de grâce, regarde ces situations fatales de santé. Regarde ces situations fatales. Les hommes ont décrété que ce cancer est au dernier degré. Les hommes ont décrété que celle-là ne mettra plus au monde, qu'on a enlevé les matrices. Les hommes ont décrété, oh Dieu, ce matin, je déclare que tu viens par le mystère. Tu viens par ton mystère pour renouveler quelque chose. Tu viens par le mystère pour remettre le mari, pour ramener la femme, pour ramener les enfants. Tu viens par ton mystère pour recréer les installations. Au nom de Jésus-Christ, tu viens par ton mystère pour donner du travail. Tu viens par ton mystère pour guérir. Tu viens par ton mystère pour donner la promotion. Tu viens par ton mystère pour redonner un nouveau contrat. Tu viens par ton mystère pour booster le ministère. Tu viens par ton mystère pour charger du fardeau un homme et une femme. Au nom de Jésus-Christ, viens dans tes mystères pour libérer un homme, pour libérer une femme des jougs du diable. Viens dans ton mystère pour libérer quelqu'un de la famille des sorciers, pour libérer quelqu'un de l'environnement occulte, pour libérer quelqu'un de la famille sorcière. Viens dans ton mystère. Décide, tu l'as fait pour Moses Kamenge. Tu l'as fait pour cet homme. Tu l'as sorti du camp des sorciers. Tu l'as sorti de ce camp. Tu l'as libéré. Le grand-père sorcier a disparu par un acte divin. Yahweh, Dieu vivant, tu viens par tes mystères. Tu interviens, oh Dieu, de manière mystérieuse dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main avec moi. Dites, mon Père, c'est ma baba yang. Ce que tu as fait avec Adam, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait avec Abraham, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait avec Rahab, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait avec Ruth, tu peux le faire pour moi. Ce que tu as fait depuis l'histoire, tu peux le faire pour moi. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Je viens du côté du mystère. Je m'approche de toi du côté de ton cœur de mystère. Fais-moi grâce par ton mystère et je te louerai, Seigneur. J'exulte devant toi pour les mystères que tu mets en campagne pour moi. Au nom de Jésus, j'accueille ton mystère. J'accueille ton mystère. Je reçois ton mystère et je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Célébrons bien ce mystère. Shangilia vizuri Sirio. On est debout, on est. Tunasimama tushangilie Bwana, simama tushangilie Bwana, simama tushangilie Bwana, simama tushangilie Bwana, simama tushangilie Bwana, simama tushangilie Bwana, simama tushangilie